petit groupe bien français. Ils étaient de passage à Lyon. Ils sont même plus que français, ils sont bretons. Les trois Yann, Tri-Yann, un extrait en forme de clin d'œil du Café du Bon Coin. Extrait du Café du Bon Coin, ça date de 83, ça a déjà 18 ans. Et un instrumental qui terminait l'album, Les Chevaux de Ménébré, tout de suite sur le 100.7. Sagrado. Thank you. Sagrado sur Prog à part, l'émission du rock progressif, l'émotion de Sagrado, l'émotion brésilienne et le symphonisme du violon de Marius Viana. Quelques mots, mon ami Olivier, sur ce nouvel album de Sagrado. Pas de problème, c'est Marcus Viana. Oui, il y a un petit monument de lyrisme latin. C'est un extrait donc de ce nouvel album. Le morceau qu'on a écouté s'appelait, alors je garantis rien pour l'accent, Lacrimas da Mae do Mundo. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Bah écoute, on espère. Hein. Moi je suis hispanisant, mais bon. On y devine des larmes en tout cas. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mmh. Donc tout juste 6 ans après Grande Espirito, pas mal. Sagrado, donc celui que l'on considère souvent comme le plus grand des groupes brésiliens. Bon, pour ma part, je pense que Dogma est bien meilleur par exemple. Enfin, Sagrado donc nous revient pour fêter 20 ans de carrière avec un nouvel opus, donc baptisé A l'Este do Sol, Oeste da Lua. Autant le dire tout de suite, c'est une excellente cuvée, vous avez pu le constater, même si Sagrado ne s'est toujours pas débarrassé de quelques relents un petit peu niais, qui ont légitimement tari sa réputation à une époque, et qui continuent d'ailleurs un peu à le faire. On notera pour l'anecdote la présence de deux compatriotes brésiliens sur cet album, André Matos, l'ex-chanteur de Angra, et Fernando... J'adore son nom, excuse-moi, mais... C'est vrai. Il a un nom pour le moins évocateur. Et donc Fernando Campos, le guitariste prodige de Dogma. Bon, là, il y a moins de jeux de mots possibles sur son nom. Voilà, et puis alors une dernière chose par rapport à Sagrado, sur ce disque-là, bon là on a écouté un petit chef-d'œuvre quand même à mon sens, et il y a aussi une excellente adaptation chantée de la sonate au clair de lune. Et une reprise de Madame Butterfly aussi. Oui, il y a ça aussi. Et pour une fois, c'est assez réussi. On sait que les progueux, quand ils font ça, bon c'est toujours un petit peu suspect et c'est rarement grandiose, mais là vraiment Sagrado a réussi son coup. Et on enchaîne maintenant avec, si je ne m'abuse, Ezra Winston. Voilà. Il y a une dizaine d'années, c'était assez désertique en matière de progressif, en tout cas en matière de progressif symphonique. Et quand on a vu arriver ce groupe italien avec son mythe des Chrysalides et ses après-midi anciennes, eh bien, ça a été le coup de foudre, je me rappelle, d'articles dithyrambiques dans Harmonie. Et cet album vient tout juste d'être remasterisé, réédité par la Moussea, et donc nous pouvons enfin nous l'écouter sous le format laser. Je vous propose un large extrait de cet album, Ancient Afternoons, donc en vous rappelant qu'il date de 90, et le titre du morceau, The Painter and the King, le peintre et le roi, tout de suite sur Prog à part et le 100.7. Thank you. Ezra Winston sur le 100.7. Ce que je sais de Janos Vargas, c'est qu'il a joué dans East, le groupe légendaire hongrois des années 70. Oui, effectivement, que les fidèles de Progapar connaissent bien, puisqu'on en a passé ici. Il était guitariste, en fait, du groupe East. Alors, les deux premiers albums du groupe East sont très intéressants. La suite, malheureusement, ça se gâte un peu. Oui, tout à fait, oui. Et donc, son premier album solo, donc sous l'intitulé de Janos Varga Project, il s'appelle The Wings of Revelation 1, et on retrouve sur cet album Zoltán Lengyel, le claviériste virtuose d'After Crying, autre référence hongroise signée sur le label périphérique. Et ce disque, donc, de Varga a mis en émoi les adeptes d'un rock progressif symphonique très mélodique et atmosphérique, tel qu'on a pu l'écouter il y a quelques longues minutes maintenant, avec Eloy, un large extrait donc de la suite I Must Be Going, c'est Janos Varga Project dans Progapar. 22h10 sur l'antenne de Prog à part et Sol FM le 100.7. Un petit moment maintenant consacré à la revue de presse. Nous avons reçu hier dans la boîte aux lettres d'Acid Dragon deux célèbres magazines, l'un belge, l'autre américain. Alors je vais feuilleter avec vous en direct le sommaire de ces magazines. On commence tout de suite avec nos amis belges. Un nouveau numéro splendide, une couverture avec un lutin qui va frapper une porte et armé d'une torche. Voilà un magazine, moi, qui m'emballe à chaque fois. J'aime beaucoup Progressiste. On y retrouve les chroniques habituelles, c'est-à-dire le docteur Sake et ses donc découvertes du Japon. On trouve la fin de l'histoire des 70s aux États-Unis, donc tout ce panorama très intéressant et très complet sur le rock progressif américain. Le docteur Prog et son divan qui nous parle des différences culturelles au niveau du public américain, du public européen. Il nous dit entre autres que le public américain n'est pas si sectaire et si replié sur lui-même et qui fait preuve aussi de beaucoup plus de tolérance et de recul par rapport à sa passion, une passion qui est tout aussi forte que la nôtre. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir à lire le premier coup de cœur, la toute première fois, de Jean-Luc Pirard quand il a découvert Trespass. C'est très intéressant. Ce qui est aussi tout à fait vibrant, c'est l'analyse en profondeur des paroles de Foxtrot. Alors ça, c'est très intéressant. C'est une interview qui avait été faite en 73 par un certain Pierrot Kenroll. Je ne sais pas s'il y a un clin d'œil, mais enfin, il paraît bien évident. Et donc une interview de Peter Gabriel sur la signification des paroles. Et le parolier que je suis s'est régalé. On comprend tout sur Watch of the Skies, sur Supper is Ready. Vraiment, il y a de quoi se régaler. Il y a même de la numérologie en fin d'article. Voilà, j'entends de plein d'autres choses. Un article sur l'Heroic Fantasy, Elric le Nécromancien. Donc, et puis bon, des chroniques à foison. Un CD offert, une compile de chez Record Heaven, une analyse en profondeur au niveau musical de Banco de Mutuo Soccorso et plus précisément de Darwin. Ça, c'est aussi très intéressant, c'est pour les spécialistes, mais c'est vraiment de très très bon niveau. Donc, Progressiste, ce nouveau numéro. Donc, je cherche des experts numéro, pourtant il est gros. Numéro 23, premier trimestre, janvier 2001. Le journal américain Progression, luxueux et toujours aussi plein de très bonnes choses. J'en veux pour preuve, par exemple, un extrait de l'édito de John Collins qui m'a beaucoup amusé. Je trouve qu'il y a plein de choses. Il essaye d'analyser un peu le public prog. Quelles sont les caractéristiques des fans? Alors, il dit que nous sommes tous, de façon très têtue, je vous traduis en direct, hors des modes, que nous sommes des individualistes forcenés, voire même un petit peu libertaires de temps en temps, qui mettons beaucoup beaucoup de valeur dans l'expression libre. Et dans la volonté aussi de faire partager notre passion, qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades de tout ce qui est informatique, de science-fiction et d'heroic fantasy, et que nous sommes très certainement des romantiques à vie. Bon, je pense que c'est assez vrai. On a tendance à être un petit peu élitiste et un petit peu snob. Et nous sommes généralement mal connus des gens qui écoutent le mainstream. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, voilà, essentiellement ce qu'il nous dit. Je trouvais ça très intéressant. Donc, dans son préambule, qu'est-ce qu'il y a au menu de ce Progression, à part un CD gratuit qui est d'ailleurs le même que dans Progressiste, une compile de chez Record Heaven? Eh bien, au menu, on trouve une étude, une story, comme on dit dans notre langage, une interview de Osric Tentacles, le groupe mythe, le groupe culte British, une story complète de Nectar, un article sur Mostly Autumn, des articles sur Kayak, Sister, articles sur John Wetton, Agitation Free et j'en passe, plus, et c'est pas des moindres, une centaine de chroniques. Voilà le nouveau Progression qui vient de sortir et c'est le numéro 37 intitulé hiver. Ah, c'est. Non, c'est automne-hiver 2001. Il est peut-être temps de lancer un petit concours, mais je vois mon ami Olivier qui me fait signe avec effectivement l'échange de boulets rouges qu'il y a eu entre rock et folk et le petit peuple progressif à propos d'un article paru dans le numéro précédent de rock et folk sur Yes. Alors quelques mots, Olivier. Oui, on va pas en faire des tonnes parce que la communauté progressive a été secouée et peut-être aussi a pas assez pris le temps de rire de mon point de vue. Mais en tout cas, article qui massacre Yes dans Rock'n'Folk, celui donc du mois dernier, février 2001, où il y avait Janis Joplin en couverture. Et bien évidemment, cet article qui voulait brûler Yes sur l'autel du rock a fait réagir les progueux en masse. Et donc, dans le courrier de ce numéro de mars 2001, trois lettres qui réagissent de façon virulente à cet article. Je vais vous lire simplement un tout petit extrait de la lettre envoyée par Olivier Cruchaudet de Big Bang. Et voilà, un tout petit extrait. Il y a Thierry d'Acid Dragon aussi qui a réagi, on a été plusieurs. Hein. Voilà, mais tu n'as pas été publié. Non, mais c'est pas grave, ça remplace les fois où je l'ai été. Effectivement. Donc voilà, je vous lis juste un petit extrait de la réponse de Cruchaudet. On ouvre les guillemets, bien fait pour eux, ces gens-là, bon, ces gens-là évidemment ils parlent des progueux, ces gens-là n'ont pas de goût, c'est bien connu, ils ne méritent donc pas d'exister, qu'ils soient châtiés par ta main, bon, la main du rédacteur en question, qu'ils périssent dans l'affreux tourment, que le rédacteur...